ça leur filait leur calme. Jusqu'ici rien de bien grave, reste calme. Comme un CRS dans une manif avant que les centres rentrent la lame. Calme, comme ce connard au guichet de la banque avant que déclenche l'alarme. Avant que se porte un couille, avant que ça pète le câble. C'est comme ça le monde tourne de façon plutôt instable. Et nous on se prend la tête pour sortir toujours impeccable. C'est d'aller rien comprendre. Les petits se défoncent de plus en plus tôt. Ils se tapent sur la gueule pour que dalle sorte le couteau. Donne le cash ou on vient le prendre. On se fera pas mettre à l'amende. À côté de ça y'en a d'autres. Le genre de cave qui se mettent des bandanas pour avoir le look du pack. Qui s'empressent de porter plainte. Des couleurs filent deux ou trois claques. Moi je sais plus si c'est eux les putes ou peut-être leur mère. Je reste leur mac de toute manière. Pour tous les cinglés dans le son, je voulais faire un truc dansant. J'arrive pas à quoi bon, c'est comme avoir un virus dans le sang. Je suis à côté de la blague, ouais, celle de 200. Entassé par 5, la même chose dessous et au-dessus. Pour tous les cinglés dans le son, je voulais faire un truc dansant. J'arrive pas à quoi bon, c'est comme avoir un virus dans le sang. Je suis à côté de la plaque, ouais, celle de 200. Entassé par 5, la même chose dessous et au-dessus. Racailleux à souhait sur le beat, c'est ce que les jeunes nous veulent. Un trou de calibre 38, c'est ce que les jeunes nous aiment. Plutôt déteste. Un clash ou un test avec nous, ça serait que j'ai le dentiste. Comme un passage sous le ring, rende trop de faux la morphine. C'est mortel comme le nom de mon coup. Un Boeing qui fracasse une tour. Tu vois que tu fous, t'es pas dans le coup. T'es qu'un tout quart de plus qui avance dans le brouillard en brassant de l'air. Arrête de vouloir parler fort pour rien car tu vas finir par te taire. Le genre de gars qui se la pète, qui dit ces mecs sont des putes. Nous on sait en fait que t'es bon qu'à jouer de la flûte. Je vais te braquer ta chaîne, t'es pas gousse comme a fait le sap du 50 à Jarul. C'est ce que raconte la légende, nous on s'en bat les couilles. Si tu dois de la main, tu ferais mieux de la donner. Tu joues quand faut pas t'étonner. Si on te chope du seul, c'est ce qui va t'arriver. C'est garanti, tu pourras pas toujours t'échapper. Tous les cinglés dans le son, je voulais faire un truc dansant. J'arrive pas à quoi bon, c'est comme avoir un virus dans le sang. Je suis à côté de la plaque, ouais, celle de 200. Entassé par 5, la même chose dessous et au-dessus. Pour tous les cinglés dans le son, je voulais faire un truc dansant. J'arrive pas à quoi bon, c'est comme avoir un virus dans le sang. Je suis à côté de la plaque, ouais, celle de 200. Entassé par 5, la même chose dessous et au-dessus. C'est tellement grave que tu glisses quand je pousse les watts, grave. Vas-y, mets du bronzite comme cette tweet qui colle les watts. Amsterdam en transit, vas-y, nique les douanes. L'ancle matos dans ton slip et tu risques de toucher rectal. Et si tu passes, t'es le roi de la Tessie. Les gros kiffeurs apprécient. Tire une barre sur ce beat lourd, déguste le produit. Concert, comme la chronique au mixeur. Faites gaffe, notre son c'est la drogue dure. Dans les barrages, pas d'enfant de cœur. Pas de bâtard, pas non plus d'enfant de pute. Qui part derrière nous insulte, qui part devant n'arrête pas de s'essu. Trop de gars tombent comme le vent, trop de gars m'ont déçu. J'aimerais les voir pisser les sangs comme une arcade sourcilière suite d'un coup de barre. Qu'ils se fassent du souci car on pourrait se revoir d'ici peu de temps. J'accorde pas le pardon ni délai, et je prends pas les pourboires. Ouais, je fais partie de ceux qui veulent bien manger. Tous les cinglés dans le son, je voulais faire un truc dansant. J'arrive pas à quoi bon, c'est comme avoir un virus dans le sang. Je suis à côté de la plaque, ouais, celle de 200. Entassé par 5, la même chose dessous et au-dessus. Pour tous les cinglés dans le son, je voulais faire un truc dansant. J'arrive pas à quoi bon, c'est comme avoir un virus dans le sang. Je suis à côté de la plaque, ouais, celle de 200. Entassé par 5, la même chose dessous et au-dessus. Comme un virus dans le sang.